bibliothèque municipale de Lakeport. 20 février 2020. Seymour. Il tend l'oreille, son casque autour du cou. Un bruit de radiateur, quelque part dans la section non-fiction. La respiration du blessé au pied de l'escalier. Le grésillement d'une radio de la police à l'extérieur, sous la neige. Et le bourdonnement du sang à ses tympans. Rien de plus. Pourtant, il les a bien entendus, ces chocs sourds venus de l'étage, non? Il revoit la voiture de patrouille monter sur le trottoir, Marianne laissant tomber ses boîtes en carton sur le sol enneigé. Pourquoi donc apportait-elle toutes ces pizzas à la bibliothèque juste avant la fermeture? Il n'est pas seul dans le bâtiment. Seymour s'approche tout doucement de l'escalier, le Beretta dans sa main droite. Allongé sur le flanc, le blessé a fermé les yeux, endormi ou pire que cela. Les gouttes de peinture dorée brillent sur son bras. Et s'il s'était couché là pour faire rempart de son corps? Retenant son souffle, Seymour enjambe la mare de sang qui ne cesse de grossir et passe par-dessus l'homme à terre pour gravir l'escalier. 15 marches, l'arête de chacune bordée d'adhésifs antidérapants. En haut, un obstacle inattendu lui barre l'accès à la section jeunesse. Une paroi en contreplaqué dont la peinture dorée semble verdâtre sous la lumière du panneau sorti. Une petite porte en arcade s'ouvre en son milieu, surmontée d'une phrase écrite dans un alphabet qu'il ne connaît pas. Oxene, hostis ei anoixon, ina mates ataomaseis. Seymour pose la main sur la porte et pousse pour l'ouvrir.